بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنني أحمد الله جل وعلا أن يسر لي ولكم هذا اللقاء، ونسأله عز وجل في هذا اللقاء وكل اللقاء علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، كما نسأل الله عز وجل، نسأله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأشكر الإخوة القائمين جزاهم الله خير على جهودهم، فنسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر والخير والثواب. فعنوان المحاضرة كما هو معلوم فضل العلم ومن آداب طالب العلم. Le sujet de cette conférence, bi'idhni Allah ta'ala, sera sur le comportement de l'étudiant en sciences, mais surtout sur les fondements de la science religieuse. Comment acquérir cette science ? فبالعلم يعرف العبد ما يعتقده في ربه، يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضا وكيف يغتسل، وبه يعرف كيف يصلي وكيف يزكي، وبه يعرف كيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر. وبالعلم يميز بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين الصحيح والفاسد. Avec la science, le serviteur sait ce qu'il doit croire sur son Seigneur. Avec la science, il sait comment adorer Allah Azza wa Jal. Et avec cette science-là, il sait accomplir, comment accomplir les ablutions, comment faire les ablutions, comment établir la prière. Et il sait comment également faire le lavage rituel, les grandes ablutions. Et il sait s'acquitter de la zakat. Et avec la science, il sait comment jeûner, comment accomplir le pèlerinage et la umra. Et avec celle-ci également, il peut faire la distinction entre le vrai et le faux, entre le licite et l'illicite, entre ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, et entre ce qui est correct et ce qui est invalidé. بالعلم يعرف كيف يخالق الناس، كيف يبر والديه، وكيف يصل أقاربه، به يعرف كيف يعامل صديقه، وكيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء والاقتضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. Avec cette science-là, la personne, elle sait comment se comporter avec les gens. Elle sait comment se comporter avec les gens. Elle sait également comment être bienfaisant envers son prochain et avoir de l'égard envers ses parents. Et comment maintenir les liens avec ses proches. Et comment se comporter avec son ami ou bien son ennemi. Cette science religieuse, avec elle, il saura comment agir avec les gens lors de la vente, lors de l'achat, lors de la location, la garantie, le jugement, la demande et la récupération de son bien. Cette science, elle est vaste. Le musulman ne cesse d'apprendre de jour en jour lorsqu'il avance dans cette religion. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est bon quand il vend, qui est bon quand il achète, et qui est bon quand il demande ou il récupère son bien. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ فَلْيَسْتَمِعْ إِلَى الْعِلْمِ وَلْيَجْلِسْ إِلَى أَهْلِهِ فَيَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ وَيُفِيدُ غَيْرَهُ. Quant à celui qui ne peut pas s'adonner à l'étude de la science religieuse, alors celui-là, il lui est demandé d'écouter la science et qu'il s'assoie avec les gens de science afin de profiter d'eux et d'en faire profiter les autres. Qu'il fasse profiter les gens du profit qu'il tire des bénéfices du cours ou des cours qu'il écoute. من لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فأقل شيء أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه. Et celui qui ne peut ni écouter ni s'asseoir pour la science religieuse, il est dans la capacité, selon ses excuses, si elles sont valables, celui-là, il doit alors au minimum poser des questions sur les choses où il n'est pas permis d'être, où il n'est pas permis d'ignorer, de les ignorer dans la religion ou bien dans sa vie mondaine. Qu'il demande فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans cette traduction relative et rapprochée du sens de ce verset. Demandez aux gens du rappel, les gens de science, aux savants, si vous ne savez pas. C'est un ordre. Et beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils recherchent la science, ou bien ceux qui recherchent la science, même s'ils travaillent dur, certains n'acquièrent pas la science, n'obtiennent pas la science, n'obtiennent pas la science qui est demandée, tout simplement, car ils se sont perdus dans le chemin et ils n'ont pas respecté les règles qu'il faut appliquer pour acquérir cette science religieuse. Ils se sont perdus dans le chemin parce qu'ils n'ont pas passé les étapes, ou bien ils ne sont pas passés par les étapes de la recherche de la science religieuse. Et le but de cette conférence, c'est de montrer le chemin que doit emprunter l'étudiant en science pour apprendre la science religieuse. Al-ilm al-shar'i. En expliquant et en résumant en plusieurs parties le chemin que doit emprunter l'étudiant en science pour pouvoir acquérir des connaissances de la religion. Et tout ce que nous allons voir, bi'idhnillahi ta'ala, elle provient des paroles et des conseils d'un grand savant dans l'islam. Al-Allama Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Un grand savant encore vivant parmi nous. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il le préserve et qu'il préserve tous les savants de l'islam où qu'ils se trouvent et qu'il fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés ainsi qu'aux musulmans en général. فإن طلب العلم هو أول واجب على العبد قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. La recherche de la science est la première obligation pour le serviteur avant les actions, avant de faire les actes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Muhammad, le verset 19, bien sûr en traduction approchée du sens de ce verset, il dit: sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah, qui est digne d'être adoré, véritablement et exclusivement. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري رحمه الله تعالى a cité ce verset dans son chapitre, dans son authentique, qui s'intitule la science avant la parole et l'action, avant la parole et les actes. وبدا الله بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه القول والعمل، فعمل بدون علم ضلال، كما أن العلم بدون عمل أيضا ضلال، ومغضوب على عالم لا يعمل بعلمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى معلما عباده في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل il a commencé par la science avant la parole et l'action. Allah Azza wa Jal, il a commencé par la science avant la parole et l'action. Car la science est la base sur laquelle les paroles et les actions, elles sont construites. La science est la base sur laquelle les paroles et les actions sont construites. Une action sans science qui la précède, c'est un égarement. Comme une science sans les actes qui la suivent est un égarement. Et est méprisé le savant qui n'applique pas ce qu'il connaît. C'est pour ça qu'Allah nous a appris, Jalla wa ala, dans la fin de Surat al-Fatiha, Surat al-Fatiha: guide-nous dans le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم، guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم، le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égales. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. فالمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. فأنت تسأل الله في كل ركعة حينما تقرأ هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أن يهديك طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وطريق الضالين وهم الذين يعملون بدون علم. وهذا هو الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Ceux qui sont comblés de ces faveurs sont ceux qui rassemblent ces deux choses-là, la science bénéfique et les œuvres pieuses. La science bénéfique et les œuvres pieuses. Et les égarés sont ceux qui ont fait les actions, qui ont fait les actions en délaissant la science. Donc toi ici, lorsque tu récites cette sourate, tu demandes à Allah Azza wa Jalla dans chaque unité, lorsque tu récites cette grande sourate, sourate al-Fatiha, qu'Allah te guide, tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il te guide dans le chemin de ceux qu'il a comblé de ses faveurs. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Et également, qu'il te préserve, Allah Azza wa Jal, de prendre la voie de ceux qui ont encouru sa colère. Et ces gens-là sont des savants qui n'ont pas appliqué ce qu'ils connaissaient. Ou bien des savants qui n'ont pas appliqué ce qu'ils connaissent. Et en lisant cette sourate, sourate al-Fatiha, qu'il te préserve Allah Azza wa Jalla aussi du chemin des égarés, qui sont ceux faisant des actions sans connaissance. Ce n'est pas obligé que ce soit les juifs et les chrétiens, tout simplement. C'est toute personne également qui n'ont pas appliqué ce qu'ils connaissaient. Ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Et les égarés sont ceux faisant des actions sans connaissance. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a envoyé son messager, alayhi salatu wassalam, avec la bonne direction, bil huda. Et ici dans le Coran, comme dans le verset qu'on a cité, arsala rasulahu bil huda wa din al haqq, al huda هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager avec la bonne direction, qui est la science bénéfique. Lorsque vous voyez ça dans le Coran, dans ce verset, ça veut dire la science bénéfique qu'il a envoyé avec la bonne direction et la religion de vérité. Et la religion de vérité, c'est quoi? Ce sont les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح. وهما قرينان لا يفترقان. العلم والعمل قرينان لا يفترقان، ولهذا حث الله سبحانه وتعالى حث عباده على طلب العلم والتفقه في الدين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. البروفيت عليه الصلاة والسلام il est envoyé avec la science bénéfique et les œuvres pieuses, comme nous venons de le citer. Et ces deux choses-là, elles sont liées, elles sont inséparables. Et elles ne se divisent pas. Ces deux choses-là, la science bénéfique et les œuvres pieuses, elles sont inséparables. Et elles ne se divisent pas. Et Allah Azza wa Jal a certes exhorté ses serviteurs à rechercher la science et comprendre l'islam en disant dans le verset de Surat al-Tawbah, le verset 122: les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer, pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. فَلَوْلَا نَفَرَ هَذَا حَثَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِعِبَادِهِ بِأَنْ تَنْفُرَ طَائِفَةً لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فِي أَيِّ مَكَانٍ يسافرون إليه في مكانه أينما وجدوا فيتفقهون في دين الله عز وجل فيحصلون على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et sa parole à Allah Azza wa Jal, pourquoi de chaque clan quelques hommes? Ça, c'est une exhortation d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Allah Azza wa Jal ici, il exhorte ses serviteurs qu'un groupe d'entre eux s'instruise dans la religion. Ils apprennent la science religieuse. En voyageant partout où ils pourront la trouver, cette science religieuse. Et là, ils obtiendront la bonne nouvelle. Et également, ils rentreront dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. فهؤلاء من الله عليهم بهذه الميزة لأنهم سافروا في طلب العلم في أماكن من أهل العلم وتفقهوا في دين الله جل وعلا ثم إذا تفقهوا في دين الله عز وجل ورجعوا إلى بلادهم وأهليهم فإنهم ينذرونهم ويعلمونهم هذا العلم الذي تحمله يعلمونهم هذا العلم الذي تحمله ويكونون دعاة إلى الله على بصيرة عاملين بعلمهم وداعين إليه. هذه طريقة أهل النجاة، أهل النجاة وأهل الفلاح. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. فالذي يسعى في طلب العلم فإنه يسهل الله طريقه إلى الجنة. وكفى بهذا فخرا وعزا في الدنيا والآخرة. Et ces gens-là sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voyagé pour rechercher la science utile, pour rechercher cette science bénéfique. Ils ont voyagé pour rechercher cette science bénéfique chez les gens de science. Et ils se sont instruits dans la religion d'Allah Azza wa Jal chez les gens de science, chez les savants. Et ensuite, lorsqu'ils se sont instruits et qu'ils sont retournés, dans leur pays, vers leur famille, ils doivent les avertir et leur apprendre cette science qu'ils ont acquise. Et apprendre et leur apprendre cette science qu'ils ont acquise. Et là, ils seront des prédicateurs qui appelleront à Allah Azza wa Jal, à la religion d'Allah, avec clairvoyance, tout en appliquant ce qu'ils ont appris. Et cette voie-là, rahimakum Allah, cette voie-là, c'est le chemin de ceux qui seront sauvés et de ceux qui réussiront dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal a dit: et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à la religion d'Allah et qui fait bonne œuvre. Ça revient à ce qu'on a dit. Et qui fait bonne œuvre. Al-ilm nafi' wal-amal salih. La science bénéfique et les œuvres pieuses. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah et fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également dans un autre hadith authentique, il dit: celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, la science religieuse, Allah lui facilitera le chemin qui mène au paradis. Également dans le hadith, il dit alayhi salatu wassalam: les anges abaissent leurs ailes pour celui qui s'instruit, en signe d'agrément pour ce qu'il fait. Quel meilleur honneur d'être parmi ceux où les anges abaissent leurs ailes comme agrément pour ce qu'ils font. La meilleure parole que tu pourras entendre, ce sera une parole concernant la religion. La meilleure parole que tu pourras écouter, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc quiconque recherche la science bénéfique et suit cette voie que nous avons citée, Allah Azza wa Jal lui facilitera le chemin vers le paradis. C'est le chemin le plus facile pour accéder au paradis, la science religieuse. Et ceci suffit pour être satisfait et flatté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les gens de science, lorsque vous les voyez, ce sont des personnes qui sont heureuses, sont bien au fond d'eux-mêmes. Des gens qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses faveurs. Certes, cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur pour eux, mais lorsque vous les voyez, vous remarquerez qu'Allah vous fasse miséricorde, que ce sont des gens qui sont bien, comme on dit, dans leur peau. Des gens qui sont satisfaits et flattés de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyé. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والعلم لا يحصل عفوا بدون طلب لا بد من طلب العلم لا بد ولا يحصل عفوا للإنسان أو إلهاما أو تلقائيا كما يقول أهل التصوف وإنما العلم يحتاج إلى طلب وسعي في تحصيله وصبر في تلقيه كذلك العلم لا يؤخذ من الكتب وحدها ما تأخذ العلم على الكتب بدون علمة لا يؤخذ العلم عن المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله عز وجل غاية ما يكون أنهم يقرؤون في الكتب أو يحفظون شيئا من النصوص ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم فهذه طريقة ضارة لأن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم أهل العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فمن أصول التعلم وأساس التعلم هذا الأمر أنه يؤخذ عن العلماء الربانيين المعروفين بالعلم الذين تحملوه عن مشايخهم وهم يحملونه لطلابهم ويتوارثونه بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها البروفيت صلى الله عليه وسلم dit également dans un hadith authentique que les savants ce sont les héritiers des prophètes. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants ce sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Et quiconque s'en empare, c'est-à-dire de cette science religieuse, alors il s'est emparé d'une part énorme de l'héritage. Il a pris un bien abondant. Et également, nous avons cité hier le mérite du savant sur l'adorateur. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune sur les autres astres. Parce que l'adorateur, il fait ça pour lui. Il s'illumine lui-même, comme l'étoile, comme les astres, comme les étoiles. Tandis que le savant, il s'illumine lui-même et illumine les autres, comme la lune. Et ici, ça fait partie des métaphores que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait. Et parmi le don, le bienfait d'Allah azza wa jalla qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jawami al-kalim. C'est un don qu'Allah azza wa jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'exprimait en peu de mots, avec des paroles courtes, claires et concises. Mais ces peu de mots renfermaient des grandes bases, de grands enseignements pour quiconque les entend. Et ici, la science ne s'obstient pas sans la demander. La science ne s'obstient pas sans la demander. Il faut absolument la rechercher. Il ne faut pas attendre que c'est elle qui va venir vers toi. La science, il faut aller la rechercher. Également, les cours, il faut aller les rechercher. Il ne faut pas attendre que les cours viennent à toi. Et la science, elle ne s'obtient seulement qu'en allant la rechercher et en patientant lorsque on l'a trouvée. Et en patientant, en étant patient. Et patient car ta patience n'incombe qu'à Allah. Également la science, cette science religieuse, elle ne se prend pas sur les livres seulement. Sur les livres seuls, pardon, sans les savants. En apprenant la science sur les livres. Al-kutub wa sa'il faqad. Les livres, ce sont des moyens. C'est pour profiter. Mais ce n'est pas la science en elle-même. Ce n'est pas être chez lui et apprendre avec les livres tout seul. Ça, c'est pas le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. C'est pas la voie des gens de la Sunnah et du consensus. De délaisser les savants et d'apprendre seul avec des livres. Les livres, ce sont des moyens et des rappels. Ce n'est pas permis à une personne d'apprendre seul avec les livres. Et cette science également, elle ne se prend pas vers des autodidactes qui ne comprennent pas la religion d'Allah Azza wa Jal. Même s'ils ont lu dans les livres ou mémorisé quelque chose des textes, sans comprendre leur sens et sans avoir appris chez les savants. Et cela, ces autodidactes et toutes les personnes qui les ressemblent ou qui prennent le même chemin qu'ils ont pris, ils ont pris un chemin nuisible pour leur personne, un chemin néfaste, nuisible, calamiteux. Car la science, elle ne se prend pas, ou bien la science ne se prend seulement que chez les gens de science, et cela de génération en génération. La science, elle se prend seulement des gens de science. Et cela de génération en génération. Lorsqu'une personne, par exemple, elle veut apprendre la mécanique, elle ne va pas aller l'apprendre chez un boulanger. Et également, barakallahu fikum, cette science religieuse, elle est bien plus importante que cette dunya et tout ce qu'elle contient, que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Lorsqu'une personne est malade, pour aller se faire soigner, elle ne va pas partir vers n'importe qui. Elle va partir vers une personne qui est apte, qui a les compétences pour pouvoir la soigner. Parce que celui qui soigne les gens sans connaître la médecine, il va en tuer des gens. Mais ça, c'est avec la médecine. Que dire du dîn ? Que dire de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est bien plus importante que ça ? Cette science-là, religion, cette science religieuse, elle se prend seulement chez les savants, de génération en génération. Et cela jusqu'au jour dernier. Donc parmi les fondements de la et les bases de l'apprentissage de la science religieuse, c'est de l'apprendre chez les savants de l'islam. C'est de l'apprendre chez les savants de l'islam. Et de l'apprendre chez les savants connus pour leur crainte d'Allah Azza wa Jal et connus pour leur science qu'ils ont hérité de leurs professeurs, de leurs mashaïkh, et qu'ils font eux-mêmes hériter à leurs élèves. Et ceci jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fasse venir son ordre. Et cela, c'est une chose qui est très importante, que malheureusement beaucoup de gens ici en France n'ont pas compris. Ces fondements et ces bases concernant l'apprentissage de la science religieuse, ou que beaucoup de gens ignorent. Ou bien, la troisième catégorie, et celle-là est la pire, c'est qu'ils la connaissent, mais la négligent. فهذا من أصول طلب العلم الرحلة إلى العلماء والتماس العلماء في أي مكان حتى يؤخذ عنهم العلم وهذا هو الطريق الذي من سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أصول التعلم كذلك المهمة أن الإنسان لا يبدأ العلم من فروعه وأعلاه وإنما يبدأ العلم من الأساس يبدأ العلم من الأساس شيئا فشيئا ويتلقاه أو يتلقاه شيئا فشيئا من الكتب المختصرة في كل فن حفظا وفهما على أيدي العلماء فلا يقرأ ويبدأ في المطولات من الكتب ولا يبدأ بكتب الخلاف والأقوال وإنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا ويتدرج فيه شيئا فشيئا والعلم لا يؤخذ دفعة واحدة العلم لا يؤخذ دفعة واحدة لا يؤخذ إلا عن طريق التدرج شيئا فشيئا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام الغلام هو الصغير قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله Donc ceci, ça fait partie des bases de l'étudiant en science. D'aller voyager vers les savants, n'importe où ils se trouvent, tant qu'ils sont encore présents de nos jours. De partir dans les endroits où les savants se trouvent. Et cela, ce chemin-là, c'est le chemin de celui à qui Allah Azza wa Jal facilitera le chemin vers le paradis, comme le hadith que nous avons cité auparavant. Également parmi ces fondements, ces bases que l'étudiant en science doit connaître et appliquer, c'est que l'étudiant en science, talib al-ilm, il ne commence pas par la plus haute des branches et des sciences. Et cela, wallahi, fait partie des problèmes qui sont présents dans ce pays. Que l'étudiant en science ne commence pas par la plus haute des branches et des sciences. Il doit commencer la science par les bases de l'islam. Petit à petit, il avance dans la religion selon ses capacités. Petit à petit, avec les résumés de livres, avec des livres qui sont résumés dans toutes les sciences, dans toutes les disciplines de l'islam, dans toutes les sciences, en les mémorisant et en les également en ayant compris ce qu'il a mémorisé chez les savants. Et non pas en lisant et commençant par des livres qui sont soutenus, détaillés. Malheureusement, comme on peut le voir dans certaines mosquées, lorsqu'ils enseignent ou bien apprennent des livres qui sont soutenus et détaillés, alors qu'ils n'ont pas appris les bases de l'islam, et lorsque tu les questionnes, par exemple, sur des cours qu'ils font dans Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, lorsque tu les questionnes sur cette science du hadith, en leur demandant « Qu'as-tu appris ?» avant d'apprendre ce livre, elle te dit « C'est le premier livre que j'ai appris. » « Wala hawla wala quwwata illa billah. » As-tu commencé par l'étape 5 avant de passer par les autres étapes? Et encore, ça c'est plus l'étape 5, c'est l'étape encore plus grande que l'étape 5. Comment peux-tu apprendre et mémoriser Sahih al-Bukhari alors que tu n'as pas appris les 40 hadiths al-Nawawi, par exemple? La science, rahimakum Allah, elle se prend petit à petit. Et cela dans toutes choses. Également la science de la médecine, qui fait partie de la science des sciences de la vie mondaine. Le médecin ne devient pas un médecin du jour au lendemain. Également, cette science religieuse, elle s'apprend petit à petit, en avançant selon les capacités de chacun. Et non pas en commençant par des livres qui sont détaillés, des livres de divergence, des livres. Naam. En commençant par les bases de l'islam. Et il doit commencer petit à petit. Et il avancera petit à petit l'étudiant science. Car la science ici, elle ne se prend pas d'un coup, mais plutôt en avançant petit à petit. Et comme dans le hadith qui est connu, inshallah ta'ala, par tous, qui est présent dans, par exemple, dans ce livre, Al-Arba'in al-Nawawiyyah, les 40 hadiths al-Nawawi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une recommandation à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui était le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'il n'avait toujours pas atteint l'âge de la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et ce grand savant, ce grand compagnon qui est Ibn Abbas, n'avait toujours pas atteint l'âge de la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait invoquer en sa faveur en disant Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, yani at-tafsir. Il invoquait en sa faveur en disant « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. » Et il a dit « Ya Ghulam ». Le Ghulam dans la langue arabe, c'est le petit. « Inni u'allimuka kelimat » Je vais t'apprendre quelques paroles. Et ça, c'est une preuve que la science, elle se prend petit à petit. Quelques paroles, yani « kalimat yassira » Des paroles faciles, qui sont accessibles à tous et toutes. Des paroles avec lesquelles tu pourras avancer dans cette religion. Et il lui a dit, « Ihfad Allah yahfadak. » Préserve Allah et il te préservera. Allez, préserve Allah, « Ihfad dina. » Préserve la religion d'Allah, ça veut dire. لأن الله هو الذي يحفظ الناس ما يحتاج إلى حفظ وهو الذي يحفظ الناس الله عز وجل لا pas besoin qu'on le préserve, c'est celui qui préserve. la création et tout ce qu'il a créé. Il a dit, préserve la religion d'Allah et il te préservera. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك او امامك préserve la religion d'Allah et tu le trouveras devant toi, Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu demandes le secours, demande le secours à Allah Azza wa Jal. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la recommandation qu'il a fait à ce jeune garçon. C'est une preuve également, et ça c'est bien de le rajouter, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y donnait de l'importance aux enfants. Et non pas comme beaucoup de gens, malheureusement aujourd'hui, qui disent « Toi tu es trop petit, ce sont des choses qui ne te concernent pas. » Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de la religion, quand bien même il est petit, c'est un jeune garçon. Ça prouve qu'il portait de l'importance aux jeunes enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun de nous, sachant que les enfants apprennent à une vitesse qui est rapide. Donc ici, le musulman, l'étudiant en sciences, il avance dans cette religion petit à petit et ne commence pas par des livres qui sont soutenus, détaillés. كذلك من أصول طالب العلم أن طالب العلم لا يقتصر على فن واحد كان يقتصر على فن في الفقه مثلا أو يقتصر على فن أو فن في الحديث فن الحديث مثلا أو فن التفسير وإنما يأخذ من كل علم بمختصر مفيد لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض فلا بد أن طالب العلم أول شيء يقرأ القرآن أول شيء يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم أو يجيد تلاوته من غير حفظ فالأساس هو كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما تيسر من تفسير القرآن حتى يفهم الآيات ولا يقرأها على نفسه وإنما يقرأ على أهل العلم أهل العلم وأهل التفسير يتلقى التفسير عن المفسرين المعروفين بذلك et parmi les bases les fondements de cette science religieuse c'est que l'étudiant en science, il ne doit pas prendre et se limiter à une science, à une discipline de la religion. Ça, c'est une chose très importante également. Il ne doit pas se limiter à une science, comme par exemple en se limitant à apprendre que la jurisprudence ou le hadith ou bien le tafsir. Il doit au contraire prendre de toutes les disciplines, de toutes ces sciences-là, un résumé profitable. Un résumé de toutes ces sciences-là. En l'apprenant, en le comprenant aussi. Et en le mémorisant. Car la science, elle est liée à l'autre. La science, elle est liée à l'autre. L'étudiant en science, il doit absolument, premièrement, lire le Coran. Lire le Coran et le mémoriser. Lire le Coran et le mémoriser. Ou bien, il doit au moins savoir le lire et le réciter. Au moins savoir le lire et le réciter. Sans mémorisation. Et la base est le livre d'Allah Azza wa Jal. La base de cette science est le livre d'Allah. خير الكلام كلام الله la meilleure des paroles est la parole d'Allah Et il doit lire ce qu'il peut de l'interprétation du sens des versets, ce qu'on appelle le tafsir. Jusqu'à ce qu'il comprenne les versets et ce qu'il dit, ce qu'il est en train de lire. Parce que ça ne suffit pas que tu apprennes et que tu mémorises le Coran sans comprendre l'essence des versets. Comme ça ne suffit pas d'apprendre et de mémoriser des hadiths sans que tu les comprennes. Comment veux-tu comprendre comment veux-tu appliquer une chose que tu ignores ? Et cela, ça fait partie aussi des problèmes qui se passent dans beaucoup de mosquées ici en France, où ils font des halaqat de Hifd al-Qur'an al-Karim en lisant et en mémorisant le Coran, sans porter de l'importance sur la compréhension du sens des versets. Jusqu'à que certaines personnes vont porter une très grande importance à la lecture du Coran, ce qu'on appelle l'ilm al-tajwid, la science de al-tajwid, les règles de récitation, makharij al-huruf, comment sortir les lettres. Ils vont porter une très grande importance sur cela sans porter une importance sur le sens de ce qu'ils sont en train de lire. Parce que ce qui est demandé, c'est de lire, de comprendre, pour pouvoir appliquer. Ça ne suffit pas de lire. Al-ilm min ghayri amal la yufiduka shay'a. ولو كنت أكثر الناس تلاوة للقرآن أو حفظا للقرآن الكريم ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله كما في الحديث بل تكون غشا لكتاب الله عز وجل والعياذ بالله. Ça suffit pas de lire et de mémoriser le Coran sans comprendre ses sens. La science sans les actes ne te profitera pas ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Quand bien même tu fais partie des gens qui lisent le mieux le Coran avec la plus belle voix et avec la plus belle récitation, avec les règles des récitations et avec toutes les lectures qui sont connues de récitation, tant que tu n'appliques pas ce que tu es en train de lire, tu ne fais pas partie de ceux qui conseillent pour le livre d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-dinun nasiha, Ad-dinun nasiha, Ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulallah, qala lillah, wa li kitabi, wa li rasuli, wa li a'immati muslimina wa ammati. Il a dit, la religion, c'est le bon conseil. Trois fois. Wa hadha min bab al-ta'kid. C'est pour affirmer cette chose. Et les compagnons doivent lui dire, à qui, au messager d'Allah? Qala lillah. Pour Allah, envers Allah. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Envers son livre, envers son messager et envers les gouverneurs musulmans. Wa laysa a'immat al-masajid. Al-a'imma huna. Al-a'imma ulati al-umur. Ce sont les gouverneurs. Et aux gouverneurs musulmans et à l'ensemble des musulmans. Ici, tu ne feras pas partie de ceux qui conseillent envers le livre d'Allah, mais plutôt tu feras partie de ceux qui trompent le livre d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Donc tout ceci, le fait d'apprendre, de lire, de comprendre et de mémoriser, tout ceci ne doit pas se faire seul. Mais la personne, l'étudiant en science, celui qui recherche cette science religieuse, il doit lire tout cela chez les savants et chez les interprétateurs du Coran qui sont connus pour cette science. Qu'il lise tout ceci chez les gens de science et non pas chez lui, tout seul. Et ça, ça fait partie du minhaj d'al-Khawarij. Ce sont ceux, al-Khawarij, qui ont délaissé les savants. Alors ils ont appris la science sur les livres, tout seuls. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Parce qu'ils ont délaissé les savants. Alors qu'ils faisaient partie même, après, parmi les générations des salafs, que prédécesseurs, ils faisaient partie de ceux qui faisaient énormément d'efforts dans la mémorisation du Coran, dans la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit leur récitation ne dépasse pas leur, comment on dit ici, clavicule. Voilà. Parce que ce sont des gens qui font des efforts pour ça, mais ils ne font pas d'efforts pour comprendre et s'asseoir chez les savants et apprendre chez les savants. Donc ceci, c'est une chose qui est très importante. Ayyuha al-ikhwa. Ces bases, ces fondements dans la science religieuse. Inch'Allah, on va s'arrêter là. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة العصر إذا يسر الله لنا ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل كما نسألك التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين